Vous écoutez France Culture. De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Adaptation, Hervé Prudhon. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième partie, l'équipée lunaire. La guerre de sécession avait fait faire à la balistique des progrès tels qu'ils ne pouvaient rester sans suite. La paix venue, dans chaque ville des États de l'Union, se réunissaient des groupes de vétérans, aux corps meurtris, mutilés, mais à l'âme forgée par les combats, qui se refusaient à remuser leur artillerie au placard. Il en fut ainsi des membres du Gun Club de Baltimore, jusqu'à ce que son président, l'ingénieux Impey Barbicane, avance l'idée très américaine d'expédier un projectile dans la Lune. Les quatre compagnons de route, arrivés à la Nouvelle-Orléans, s'embarquèrent sur le Tampico. Deux jours après son départ, le 22 octobre, le steamer eut en vue la côte floridienne. Passé un goulet, la ville de Tampa apparut, paresseusement couchée au fond d'un petit port naturel formé par l'embouchure de la rivière Hillsborough. Les 3000 habitants de Tampa Town se portèrent bruyamment à la rencontre de l'homme qui les avait favorisés de son choix. Mais ignorant leurs ovations, Barbicane tâtait du pied le sol floridien pour en éprouver la solidité. Pas de temps à perdre. Dès demain à la fraîche, nous irons à cheval reconnaître le pays. Le lendemain matin, des petits chevaux de race espagnole piaffaient sous leurs fenêtres. Mais au lieu des quatre montures commandées, il y en avait 50 avec autant de cavaliers portant chacun une carabine en bandoulière. Serions-nous en guerre ? Messieurs, il y a les Séminoles. Les Séminoles ? Des Indiens qui courent les prairies. Laissez-les donc courir. S'ils viennent, ils tâteront de mon hameçon. Ces sauvages sont peut-être hostiles. Messieurs, nous acceptons votre aide. Alors, en route ! Il était 5h du matin. Il faisait déjà chaud, mais de fraîches brises de mer modéraient cette excessive température. La petite troupe suivit la côte. Bientôt, les flots de la baie disparurent derrière un pli de terrain, et la campagne s'offrit seule au regard. À quelques milles du rivage, un réseau lacustre inondait les basses terres. On se serait cru en Hollande. Mais la campagne prenant de l'altitude montrait des plaines propices à toutes sortes de productions végétales. Ananas, igname, tabac, riz, coton, canne à sucre, qui s'étendaient à perte de vue avec une insouciante prodigalité. Barbicane examinait la configuration du sol. Le spectacle grandiose élevait l'âme, mais le président du Gun Club parut surtout satisfait de l'élévation progressive du terrain. Oh ! Parfait ! Nous coulerons notre Columbiade dans les hautes terres. Pour être plus près de la Lune ? Maston, que nous importe quelques toises de plus ou de moins. Mais sur des terrains en hauteur, nous nous mettrons à l'abri d'éventuelles montées des eaux. Et c'est à prendre en considération quand il s'agit de forer un puits de 900 pieds de profondeur. Vous avez raison, Monsieur Barbicane. Mais si nous devions rencontrer des sources ou des puits artésiens, nous sommes équipés pour les épuiser ou les détourner. J'aimerais être au premier coup de pioche. Et moi, au dernier. Nous y arriverons, messieurs. Et croyez-moi, la compagnie du Gold Spring n'aura pas à vous payer d'indemnité de retard. Par Sainte-Barbe, c'est votre intérêt. 100 dollars par jour jusqu'à ce que la Lune se représente dans les mêmes conditions. C'est-à-dire pendant 18 ans et 11 jours. Savez-vous bien que cela ferait 658 100 dollars ? Non, monsieur, j'aime mieux ne pas savoir. Aux campagnes fertiles succédaient les forêts tropicales, faites de grenadiers, de citronniers, de figuiers, de bananiers et de grands ceps de vignes. Maston et Elphiston ne pouvaient traverser cette nature luxuriante sans s'arrêter pour en recueillir par tous leurs sens la beauté. Mais le président Barbicane avait hâte d'aller en avant. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Oh. Allons-y. Attention. Il fallut passer à gué plusieurs rivières infestées d'alligators. J.T. Maston les menaçait de son crochet, mais ne parvint à effrayer que des pélicans, des sarcelles et des phaétons. Enfin, voici la région des pins. Et celle des sauvages. En effet, sur l'horizon, quelques séminoles se livrèrent à un carrousel inoffensif, caracolant, vociférant, brandissant de longues lances et déchargeant leurs fusils, alors que Barbicane et ses compagnons occupaient le milieu d'une plaine rocailleuse formée par une large extumescence du terrain. Halte ! Cet endroit a-t-il un nom dans le pays ? On l'appelle Stone's Hill, monsieur. La colline de pierre. Fort bien. Barbicane mit pied à terre, prit ses instruments et commença à relever sa position. La troupe, autour de lui, retenait son souffle. À ce moment, le soleil passa au méridien. Cet emplacement est situé à 300 toises au-dessus du niveau de la mer, par 27 degrés 7 minutes de latitude et 5 degrés 7 minutes de longitude ouest. Il me paraît offrir, par sa nature aride et rocailleuse, toutes les conditions favorables à l'expérience. C'est dans cette plaine que s'élèveront nos magasins, nos ateliers, nos fourneaux, les huttes de nos ouvriers. Et c'est d'ici, de cette colline de pierre, que notre projectile s'envolera vers les espaces du monde solaire. Le soir même, satisfait, Barbicane et ses compagnons rentrèrent à Tampa Town et l'ingénieur Murchison réembarqua sur le Tampico pour la Nouvelle-Orléans. Huit jours après son départ, le Tampico revint avec une flottille de bateaux à vapeur. Murchison avait réuni 1500 travailleurs, l'élite des mécaniciens, des chauffeurs, des fondeurs, des chauffourniers, des mineurs, des briquetiers et des manœuvres de tout genre. Ils débarquent avec leur famille. C'est une véritable émigration. Qu'ils s'occupent de décharger l'outillage, les machines, les vivres, ainsi que les maisons préfabriquées où ils dormiront. Mmh. En même temps que les plus robustes plantent les premiers jalons du railway qui reliera Stone's Hill à Tampa Town. Bientôt, ce fut une vraie ville qui dressait ses palissades autour de Stone's Hill. Le 4 novembre, à 8 heures du matin, le premier coup de pioche fut donné. Et depuis ce moment, ce vaillant outil ne resta plus oisif un seul instant dans la main des mineurs. Les ouvriers se relayaient par quart de journée. Le travail de maçonnerie en blessa plus d'un et certains moururent. Mais l'ardeur ne se ralentit jamais. Le jour, le soleil versait jusqu'à 40 degrés de chaleur. La nuit, les lueurs blafardes de la lumière électrique, le bruit des pics sur la roche, la détonation des mines, le grincement des machines, le tourbillon des fumées éparses, créaient autour de Stones Hill un cercle d'épouvante que les troupeaux de bisons ou les détachements de séminoles n'osaient plus franchir. Le premier mois écoulé, le puits avait atteint les 112 pieds désirés. En décembre, cette profondeur fut doublée et triplée en janvier. Pendant le mois de février, les travailleurs eurent à lutter contre une nappe souterraine. 3 semaines durent alors être employées avant que le forage puisse repartir. Aucun incident nouveau n'arrêta plus la marche de l'opération. Et le 10 juin, 20 jours avant l'expiration des délais fixés, le puits avait atteint la profondeur de 900 pieds. La maçonnerie reposait sur un cube de 30 pieds d'épaisseur, tandis qu'à sa partie supérieure, elle affleurait le sol. Pendant ces 8 mois, Barbicane ne quitta pas un seul instant Stones Hill. Il suivait les opérations du forage, mais aussi il s'inquiétait de la santé des travailleurs. Et il fut assez heureux pour éviter ces épidémies si désastreuses sous les tropiques. Plusieurs ouvriers payèrent de leur vie les imprudences inhérentes à ces dangereux travaux. Mais ce sont des détails dont les Américains, plus soucieux de l'humanité en général que de l'individu en particulier, se préoccupent assez peu. Les travaux préparatoires de la fonte avaient été conduits simultanément. Un étranger arrivant à Stones Hill eût été fort surpris du spectacle. À 600 yards du puits, circulairement disposé autour d'un point central, s'élevaient 1200 fours à réverbères. Tous étaient construits sur le même modèle, avec leur haute cheminée quadrangulaire. Et pour J.T. Maston, il n'existait rien de plus beau au monde, même en Grèce, où il se vantait de n'être jamais allé. On se rappelle que dans sa 3e séance, le comité s'était décidé d'employer la fonte grise pour la Columbiade. Le minerai de fer fut traité dans les hauts fourneaux de Gold Spring et puis dirigé vers Stones Hill. Il s'agissait de 136 millions de livres de fonte et comme le prix du transport par chemin de fer eut doublé le prix de la matière, il parut préférable d'affréter des navires. Il n'en fallut pas moins de 68, de 1000 tonneaux chacun, une véritable flotte, qui partit le 3 mai de New York, vint mouiller le 10 dans le port de Tampa Town. Là, les navires furent déchargés dans les wagons du railroad de Stones Hill et seulement vers le milieu de janvier, l'énorme masse de métal se trouvait rendue à destination. Ce n'était pas trop de 1200 fours pour liquéfier en même temps ces 60 000 tonnes de fonte. Ces fours, construits en briques réfractaires, se composaient d'une grille pour brûler le charbon de terre et d'une sole sur laquelle devaient être déposées les barres de fonte. Cette sole, inclinée sous un angle de 25 degrés, permettait au métal de s'écouler dans les bassins de réception et de là, 1200 rigoles convergentes le dirigeaient vers le puits central. Le lendemain du jour où les travaux de maçonnerie et de forage furent terminés, Barbicane fit procéder à la confection du moule intérieur. Il s'agissait d'élever au centre du puits un cylindre qui remplissait exactement l'espace réservé à l'âme de la Columbiade. Cette opération se termina le 8 juillet et le coulage fut fixé au lendemain. Ce sera une belle cérémonie que cette fête de la fonte. Ne vous réjouissez pas, Maston. Ce ne sera pas une fête publique. Comment ? Vous n'ouvrirez pas les portes de l'enceinte à tout venant ? Je m'en garderai bien. Ce sera une opération trop dangereuse. Et je tiens à ce qu'elle s'effectue à huis clos. Au lancement de notre projectile, dansez autour si ça vous chante. Mais jusque-là, pas question. Depuis le matin, les 1200 cheminées vomissaient dans l'atmosphère leur torrent de flammes, et le sol était agité de sourdes trépidations. 68 000 tonnes de charbon projetaient devant le disque du soleil un épais rideau de fumée noire. La réussite de l'opération dépendait de sa rapidité d'exécution. À midi, au signal donné par un coup de canon, chaque four devait se vider de son liquide en fusion. Chefs et ouvriers attendirent le moment déterminé. Il n'y avait plus personne dans l'enceinte. Un coup de canon éclata. 1200 trous de coulée s'ouvrirent à la fois, et 1200 serpents de feu rampèrent vers le puits central. Là, ils se précipitèrent avec fracas à une profondeur de 900 pieds. C'était grandiose. Quelques sauvages errant au-delà des limites de l'horizon eût pu croire à la formation d'un nouveau cratère. Et cependant, ce n'était là ni une trombe, ni un orage, ni un de ces phénomènes terribles que la nature est capable de produire, non. L'homme seul avait créé ces vapeurs rougeâtres, ces flammes gigantesques, ces trépidations semblables aux secousses d'un séisme, ces mugissements rivaux des ouragans et des tempêtes. Et c'était sa main qui précipitait, dans l'abîme qu'elle avait creusé, tout un Niagara de métal en fusion. Mais 15 jours après la fonte, un maudit panache de fumée se dressait encore en plein ciel et le sol brûlait les pieds dans un rayon de 200 pas autour du sommet de Stones Hill. Les jours s'écoulèrent et les semaines. Aucun moyen de refroidir le cylindre. Impossible de s'en approcher. 4 mois à peine séparaient du jour J. Enlever le moule intérieur, calibrer l'âme de la pièce, charger la Columbiade, tout cela restait à faire. Enfin, passé le 15 août, le terrain n'exhala plus que les derniers souffles du monstre enfermé dans son cercueil de pierre. Assez de temps perdu. Au travail. Les travaux reprirent le jour même. On procéda à l'extraction du moule intérieur. L'ardeur au travail fut telle, et les arguments de Barbicane si convaincants, avancés sous la forme de dollars, que dès le 3 septembre, toute trace du moule avait disparu. Le 22 septembre, moins d'un an après la communication Barbicane, l'énorme engin fut prêt. Il n'y avait plus que la lune à attendre, mais nul ne douta qu'elle serait au rendez-vous. D'innombrables curieux avaient convergé vers la Floride. La ville de Tampa s'était accrue prodigieusement et comptait à présent une population de 150 000 âmes qui chaque jour grossissait. Des compagnies s'étaient fondées pour l'érection d'églises, d'écoles, de bureaux, et elles prospéraient joliment. En moins d'un an, l'étendue de la ville fut décuplée. On sait que les Yankees sont nés commerçants. Partout où le sort les jette, de la zone glacée à la zone torride, il faut que leur instinct des affaires s'exerce utilement. Des navires frétés pour le transport du matériel et des ouvriers donnèrent au port une activité sans pareille. Bientôt, d'autres bâtiments chargés de vivres, d'approvisionnement, de marchandises, sillonnèrent la baie et les dorades. De vastes comptoirs d'armateurs, des offices de courtiers s'établirent dans la ville. Depuis le 23 septembre, l'enceinte de Stones Hill avait été ouverte au grand public. Pour le public, c'était déjà beaucoup de contempler la superbe Columbiade. Mais descendre dans ses profondeurs, ce fut le nec plus ultra du bonheur en ce monde. Des appareils, suspendus à un treuil à vapeur, permirent aux spectateurs de satisfaire leur curiosité. Femmes, enfants, vieillards, tous se firent un devoir de pénétrer jusqu'au fond de l'âme les mystères du canon colossal. Le prix de la descente fut fixé à 5 dollars par personne. Et l'affluence des visiteurs permit au Gun Club d'encaisser près de 500 000 dollars. Les grands travaux étaient terminés, et il fallait attendre encore 2 mois qui promettaient de paraître longs. Jusqu'alors, les moindres détails de l'opération avaient été chaque jour reproduits par les journaux. Mais il était à craindre que l'intérêt n'ayant diminuant, et chacun s'effrayait de n'avoir plus à toucher sa part d'émotions quotidiennes. Un événement invraisemblable vint électriser à nouveau les esprits. Un jour, le 30 septembre, à 3h47 du soir, un télégramme transmis par le câble immergé entre Valencia en Irlande, Terre-Neuve et la côte américaine arriva à l'adresse du président Barbicane. France, Paris. 30 septembre, 4h du matin. Barbicane, Tampa, Floride, États-Unis. remplacé obus sphérique par projectile cylindro-conique. Je partirai dedans, arriverai par steamer, Atlanta. Michel Ardan. Le nom de Michel Ardan appartenait à un Français bien connu pour ses entreprises audacieuses. Barbicane, incrédule, demanda un complément d'information et reçut des renseignements d'une précision qui ne laissait plus place au moindre doute. Le steamer L'Atlanta de Liverpool a pris la mer le 2 octobre, faisant voile pour Tampa Town, ayant à son bord un Français porté au livre des passagers sous le nom de Michel Ardan. C'est donc vrai. Cet homme existe, et dans 15 jours, il sera ici. C'est un fou, une tête brûlée, un trompe-la-mort. Jamais je ne permettrai. Le 20 octobre, à 9h du matin, les sémaphores du canal de Bahama signalèrent une épaisse fumée à l'horizon. 2 heures plus tard, un grand steamer échangeait avec eux des signaux de reconnaissance. À 4h, le navire anglais donnait dans la rade d'Espirito Santo et à 6, il mouillait dans le port de Tampa, attendu sur les quais par une foule en liesse. L'ancre n'avait pas encore mordu le fond de sable que 500 embarcations entouraient l'Atlanta et le steamer était pris d'assaut. Barbicane, le premier, franchit les bastingages. Je cherche un certain Michel Ardan. Ne cherchez plus. Je suis là. Barbicane, les bras croisés, regarda fixement un passager monté sur la dunette. C'était un homme de 40 ans. Sa tête puissante secouait une chevelure de lion. Ses joues étaient hérissées de poils jaunes. Ajoutez à cela un nez fort, un front haut, des bras musculeux et un large torse, qui faisait de lui un spécimen plutôt forgé que fondu, pour emprunter une de ses expressions à l'art métallurgique. Vous ne sauriez décrire Michel Ardan sans parler de son sourire irrésistible. Vous êtes Impey Barbicane ? Président du Gun Club, dont vous ne faites pas partie. Bonjour quand même, monsieur Barbicane. Allez-vous bien ? Et avez-vous pensé à modifier votre projectile ainsi que l'indiquait ma dépêche ? Non, point. J'attendais votre arrivée. Mais vous avez bien réfléchi. Réfléchi ? Est-ce que j'ai du temps à perdre ? Je trouve l'occasion d'aller faire un tour dans la Lune, j'en profite et voilà tout. Il me semble que cela ne mérite pas tant de réflexion. Barbicane était bluffé par cet homme qui s'accaparait son idée et bousculait ses plans avec désinvolture. La foule s'approcha de ces deux hommes remarquables, le visionnaire et l'intrépide. Pour beaucoup, Michel Ardan était un héros légendaire. Pour Barbicane, il devint un ami dont la méfiance cessa dès qu'ils causèrent sur le pont du steamer. Ils en vinrent à la possibilité de monde habitable. C'est un grand problème que tu me poses là, mi Barbicane. Et je serais porté à penser par l'affirmative, comme Plutarque, Swedenborg ou Bernardin de Saint-Pierre, que rien d'inutile n'existe en ce monde. Et j'affirmerai donc que si les mondes sont habitables, ils sont habités. Ou bien, ils l'ont été ou le seront. Je le crois aussi, pour ma part. Et moi, je n'en crois rien. Un curieux, un fâcheux, ou peut-être les deux, s'invita dans leur conversation sur le ton de qui cherche à plus la querelle que le débat. Il faudrait que les principes de la vie fussent modifiés, pour ne parler que des planètes. On doit brûler dans les unes et geler dans les autres, selon qu'elles sont plus ou moins éloignées du soleil. Votre objection est tout à fait valable, mais si j'étais physicien, je vous dirais que s'il y a moins de caloriques mises en mouvement dans les planètes voisines du Soleil et plus dans les planètes éloignées, ce simple phénomène suffit pour rendre la température de ces mondes supportable à des êtres organisés comme nous le sommes. Si j'étais naturaliste, je dirais que la nature nous fournit des exemples d'animaux vivant dans des conditions bien diverses d'habitabilité. Si j'étais chimiste, Je dirais que les aérolithes, ces corps formés en dehors du monde terrestre, ont révélé à l'analyse la présence de carbone, substance qui doit son origine à des êtres organisés. Enfin, monsieur le trouble-fête, si j'étais théologien, je vous dirais que la rédemption divine semble, suivant saint Paul, s'être appliquée non seulement à la terre, mais à tous les mondes célestes. Mais je ne suis qu'un ignorant. Alors comme je ne sais pas si les mondes sont habités, je vais y voir. Votre ignorance va jusqu'à la folie. Vous vous tuerez. Avez-vous pensé au contre-coup qui vous mettra en pièces au départ ? C'est effectivement le problème majeur à étudier. Et la chaleur développée par la vitesse du projectile en traversant les couches d'air ? Oh, j'aurais si rapidement franchi l'atmosphère. Et l'eau ? Les vivres ? J'ai calculé que je pouvais en emporter pour un an et ma traversée durera 4 jours. L'air pour respirer en route ? J'en ferai par des procédés chimiques. Votre chute sur la Lune, si vous y arrivez jamais... Elle sera 6 fois moins rapide qu'une chute sur la Terre, puisque la pesanteur est 6 fois moindre à la surface de la Lune. Elle sera encore suffisante pour vous briser comme du verre. Et qui m'empêchera de ralentir ma chute au moyen de rétrofusées convenablement disposées? Enfin, comment reviendrez-vous? Je ne reviendrai pas. Cette réponse qui touchait au sublime fit voir rouge le contradicteur de l'impassible français. De toute façon, vous n'êtes qu'un cobaye irresponsable. C'est un autre qui portera la responsabilité de votre malheur. Et qui donc, s'il vous plaît ? Cette espèce d'artilleur de Baltimore qui a imaginé cette tentative aussi impossible que ridicule. Le président du Gun Club qui, non content de gaspiller l'argent des gogos qu'il finance en leur soutirant des sommes pharaoniques, va sacrifier votre vie. J'ai nommé Barbicane. Barbicane, nommément désigné, se jeta d'un bond sur l'adversaire qui l'insultait en public. Mais Michel Ardan le retint. Le Français crut un peu tôt que la querelle était éteinte et regagnait son hôtel quand une courte scène, en germe depuis fort longtemps, eut lieu entre le président du Gun Club et son contradicteur. Venez, monsieur. Celui-ci le suivit sur le quai. Et bientôt, tous les deux se trouvèrent à l'entrée d'un wharf, face à face, comme 2 blocs de haine. Vous êtes le capitaine Nicholl, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'avez insulté. Vous avez insulté la science. Votre présence ici est une provocation. Vous m'en rendrez raison. À l'instant. Non. Je veux que tout se passe secrètement entre nous. Il y a un bois situé à 3 000 de Tampa. Le bois de Scarsnow. Vous le connaissez ? Je le trouverai. Vous plaira-t-il d'y entrer demain matin à 5 heures par un côté ? Oui, si à la même heure vous entrez par l'autre côté. Et vous n'oublierez pas votre rifle ? Pas plus que vous n'oublierez le vôtre. Sur ces paroles prononcées sans desserrer les dents, le président Barbicane et le capitaine Nicholl se séparèrent. Barbicane, rentré chez lui, ne s'accorda pas une seconde de repos. Il passa la nuit à revoir ses calculs, en cherchant à répondre à cette question de vie ou de mort. Comment éviter l'effet de recul au départ de la fusée et la mise en pièces de son passager ? Les lits américains sont durs comme du granit, et je dormais mal, me tournant, me retournant, et songeant qu'il faudrait installer une couchette plus confortable dans le projectile, quand des coups qui semblaient être portés par un fer à cheval ébranlèrent ma porte. J'ouvris ma porte, une bombe serait entrée avec plus de cérémonie. Barbicane se bat en duel ce matin au bois de Scarsnow. S'il est tué, c'est l'anéantissement de nos projets. Pendant que Maston parlait, j'avais sauté dans un pantalon et moins de 2 minutes après, nous gagnions à grandes enjambées les faubourgs de Tampa Town. Pendant cette course rapide, Maston m'informa du contentieux entre Barbicane et Nicholl et de leur rivalité professionnelle de plaques et de boulets qui avait viré à l'obsession. Quel drôle de gens vous êtes! Ça se cherche à travers les taillis, ça se tire au milieu des fourrés comme des bêtes fauves et ça veut aller dans la lune! Malgré tous nos efforts, nous ne pûmes atteindre avant 5h30 le bois de Scarsnow. Barbicane devait avoir passé la lisière depuis une demi-heure. Un vieux bushman débitait en fagots des arbres abattus sous sa hache. Avez-vous vu entrer dans le bois le président Barbicane? Un chasseur! Ah ça oui, j'ai vu un chasseur. Il y a une bonne heure de cela. Trop tard. Et avez-vous entendu des coups de fusil? Pas un seul. J'ai même pensé que ce chasseur-là n'avait pas fait bonne chasse. Que faire? Pas le choix. Entrer dans le bois au risque d'attraper une balle qui ne nous est pas destinée. J'aimerais mieux 10 balles dans ma tête qu'une dans celle de mon ami Barbicane. Et en avant! Nous disparûmes dans un fourré fait de cyprès géants, de sycomores, de tulipiers, de tamarins et de magnolias. Ces arbres enchevêtrés empêchaient la vue de s'étendre loin. Je crains le pire. Un homme comme Barbicane n'a pas rusé, ni tendu de piège, il est trop franc. Il est allé en avant, droit au danger. Barbicane! Nicole! Barbicane! Nicole! Barbicane! Nicole! Chut! Quelqu'un là-bas? Le reconnais-tu? Oui. C'est le capitaine Nicole. Je le vois. Nicole sans son rifle. Il n'a donc plus rien à craindre de son adversaire. Marchons à lui. Nous saurons à quoi nous en tenir. Nous demeurâmes stupéfaits. Un filet était tendu entre 2 tulipiers géants et au milieu de la toile, un petit oiseau battait des ailes. L'oiseleur qui avait disposé cette toile était une araignée venimeuse, énorme, qui avait dû rebrousser chemin en sachant venir un ennemi plus fort qu'elle. En effet, le capitaine Nicole délivrait le petit oiseau. Quand il eut fini, il lui donna son envol et, attendri, les mains sur les hanches, le regarda fuir à travers les branches. Vous êtes un chic type, capitaine Nicole. Vraiment un gentleman. Michel Ardan, que venez-vous faire ici, monsieur? Vous serrez la main, Nicole, et vous empêchez de tuer Barbicane ou d'être tué par lui. Barbicane, où se cache-t-il, ce pleutre? Peut-être joue-t-il comme vous à cache-cache? Quand nous l'aurons trouvé, je vous en fais la promesse, il ne sera plus question de duel entre vous. Ça ne vous concerne pas. Entre Barbicane et moi, seule la mort. La mort, taratata! De braves gens comme vous? Cela fait croire qu'on se déteste, mais cela s'estime. Vous ne vous battrez pas. Je me battrai. Capitaine, je suis l'ami du président, son alter ego. Si vous voulez tuer quelqu'un, tirez sur moi, ce sera la même chose. Sur vous? Mais ça n'a rien à voir! Cherchons Barbicane au lieu de dire des bêtises. Aussitôt, nous nous mîmes en chemin. Le capitaine, après avoir désarmé son rifle, le jeta sur son épaule et avança d'un pas saccadé et d'humeur grincheuse. Barbicane! Pendant une demi-heure encore, les recherches furent vaines. Maston observait Nicole, se demandant si, vengeance faite, il n'avait pas abandonné le malheureux Barbicane au fond de quelques taillis ensanglantés. Racine, car... Je n'étais pas loin de penser la même chose. Barbicane ne bougeait pas. Maston plongea son regard dans ses yeux, mais le président ne broncha pas. Barbicane? Barbicane, un crayon à la main, Barbicane traçait des formules et des figures géométriques sur un carnet, tandis que son fusil gisait à terre. Barbicane? Absorbé dans son travail, le chercheur, oubliant son duel et sa vengeance, Barbicane n'avait rien vu, rien entendu. Oh! Enfin! J'ai trouvé mon ami. Quoi? J'ai trouvé mon moyen. Quel moyen? Le moyen d'annuler l'effet du contre-coup, bien sûr. Vraiment? Oui, de l'eau. Il suffisait d'y penser. De l'eau qui fera ressort. Oh, cher Maston, vous oui. êtes là, vous oui. aussi. Et je te présente le digne capitaine Nicole. Nicole? Vous? Avec mes 2 amis? Il est heureux que de braves gens comme vous ne se soient pas rencontrés plus tôt. Nous aurions maintenant à pleurer l'un ou l'autre. Mais grâce à Dieu, il n'y a plus rien à craindre. Quand on oublie sa haine pour se plonger dans des problèmes de mécanique ou faire la nique aux araignées, c'est que cette haine n'est dangereuse pour personne. Il n'y a jamais eu entre vous qu'un malentendu. Eh bien, pour prouver que tout est fini entre vous, et puisque vous êtes des gens à risquer votre peau, acceptez franchement la proposition que je vais vous faire. Parlez toujours. L'ami Barbicane dit que son projectile ira tout droit à la Lune. Oui. Je l'affirme. Et l'ami Nicole est persuadé qu'il retombera sur la Terre. Lamentablement. Bon. Je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord, mais je vous dis tout bonnement, ayons-en le cœur net. Partez avec moi, et nous verrons bien si nous resterons en route. Les deux rivaux, à cette proposition subite, s'observèrent incrédules avec circonspection. Eh bien, puisqu'il n'y a plus de contre-coup à craindre. Accepté. Et maintenant que l'affaire est arrangée, mes amis, permettez-moi de vous traiter à la française. J'ai dans ma chambre quelques bouteilles de vin qui feront bonne compagnie à une viande boucanée. Ah. Allons-y. Personne n'avait oublié que par sa dépêche du 30 septembre, Michel Ardan demandait une modification des plans arrêtés par les membres du comité. Il n'entendait pas voyager dans une boule à la façon des écureuils. Il voulait monter la tête en haut, les pieds en bas, sans se livrer à une succession de cabrioles peu convenables. De nouveaux plans furent envoyés à la maison Bradwell & Co. et le projectile modifié arriva sans accident le 2 novembre au lieu de sa destination. Michel Ardan, Barbie Kane et Nicole attendaient avec la plus vive impatience ce wagon projectile dans lequel ils allaient devoir prendre passage pour se lancer ensemble à la découverte d'un nouveau monde. Il faut en convenir, c'était une pièce métallurgique étincelante qui faisait le plus grand honneur au génie industriel des Américains. On venait d'obtenir pour la première fois de l'aluminium en aussi grande masse. Alors, notre véhicule te plaît ? Oui. Je regrette seulement qu'il n'ait pas des formes plus effilées, un cône plus gracieux. On aurait pu le terminer par une touffe d'ornement en métal guilloché, avec une chimère, une gargouille, une salamandre sortant du feu, les ailes déployées et la gueule ouverte. À quoi bon ces fioritures ? Hélas, tu n'es pas un artiste et puisque tu me le demandes, je crains fort que tu ne le sois jamais. Oh. On pénétrait dans cette tour de métal par une étroite ouverture ménagée sur les parois du cône qui se fermait hermétiquement. Les voyageurs pourraient donc sortir à volonté de leur prison mobile dès qu'ils auraient atteint l'astre des nuits. Mais il ne suffisait pas d'aller, il fallait voir en route. Sous le capitonnage se trouvaient quatre hublots de verre lenticulaires d'une forte épaisseur. Deux, percés dans la paroi circulaire du projectile, un troisième à sa partie inférieure et un quatrième dans son chapeau conique. Les voyageurs seraient donc à même d'observer la Terre qu'ils abandonnaient, la Lune dont ils s'approchaient et les espaces constellés du ciel. Barbie Kane et Michel Ardan ne se lassaient pas de répondre aux questions des journalistes et enchaînaient les conférences de presse. Rien ne manquera des choses essentielles à la vie. Les récipients sont destinés à contenir l'eau et les vivres nécessaires. On pourra se procurer le feu et la lumière au moyen de gaz emmagasinés dans un récipient spécial sous une pression de plusieurs atmosphères. Il suffira de tourner un robinet et pendant 6 jours, ce gaz pourra éclairer et chauffer le véhicule. On se tromperait en supposant que 3 personnes seront à l'étroit dans cette tour de métal. Nous ne serions pas plus à notre aise dans le plus confortable wagon des États-Unis. Mais comment ferez-vous pour respirer ? On sait que l'air se compose de 21 parties d'oxygène et de 79 parties d'azote, grosso modo. En respirant, l'homme absorbe l'oxygène de l'air, propre à entretenir la vie, et rejette l'azote intact. La question se réduisait à ceci. L'azote s'étant conservé intact, il faudrait refaire l'oxygène absorbé et détruire l'acide carbonique expiré. Rien de plus facile au moyen du chlorate de potasse et de la potasse caustique. Lorsqu'on porte le chlorate de potasse à une température supérieure à 400 degrés, il se transforme en chlorure de potassium et l'oxygène qu'il contient se dégage entièrement. Or, 18 livres de chlorate de potasse rendent 7 livres d'oxygène, c'est-à-dire la quantité nécessaire aux voyageurs pendant 24 heures. Voilà pour refaire l'oxygène. Quant à la potasse caustique, c'est une matière très avide de l'acide carbonique mêlé à l'air. Et il suffit de l'agiter pour qu'elle s'en empare et forme du bicarbonate de potasse. Voilà pour absorber l'acide carbonique. Le 20 octobre de l'année précédente, après la clôture de la souscription, le président du Gun Club avait crédité l'Observatoire de Cambridge des sommes nécessaires à la construction d'un vaste instrument d'optique, lunettes ou télescope, assez puissant pour rendre visible à la surface de la Lune un objet de 9 pieds de largeur. Il y a une différence importante entre la lunette et le télescope. Dans les lunettes, la réfraction joue le rôle principal, et dans les télescopes, la réflexion. La question posée à l'observatoire de Cambridge fut d'opter entre la lunette ou le télescope. Bien que les images fussent mieux éclairées dans les lunettes, on se décida à employer le télescope, qui est d'une exécution plus prompte et permet d'obtenir de plus forts grossissements. Mais comme les rayons lumineux perdent une grande partie de leur intensité en traversant l'atmosphère, le Gun Club résolut d'établir l'instrument sur l'une des plus hautes montagnes de l'Union, ce qui diminuerait l'épaisseur des couches aériennes. Les hautes montagnes ne sont pas nombreuses dans les États. Il fallut se contenter des montagnes rocheuses et tout le matériel nécessaire fut dirigé sur le sommet de Long's Peak, dans le territoire du Missouri. Ce fut un véritable tour de force que de monter au-dessus des neiges éternelles à dos d'âne des pierres énormes, de lourdes pièces forgées, des cornières d'un poids exceptionnel, de vastes morceaux du cylindre, l'objectif pesant à lui seul près de 30 000 livres. Moins d'un an après le début des travaux, le gigantesque réflecteur dressait dans les airs son tube de 280 pieds. La première fois qu'il fut braqué sur la Lune, les observateurs éprouvèrent une émotion à la fois curieuse et inquiète. Qu'allait-il découvrir dans le champ de ce télescope qui grossissait 48 000 fois les objets observés? Des populations? Des troupeaux d'animaux lunaires? Des villes? Des lacs? Des océans? Non, rien que la science ne connut déjà. Et sur tous les points de son disque, la nature volcanique de la Lune put être déterminée avec une précision absolue. On était au 22 novembre. Le départ suprême devait avoir lieu 10 jours plus tard. Une seule opération restait encore à mener, délicate, dangereuse, exigeant des précautions infinies et contre laquelle j'avais, pour en empêcher la folie, engagé mon troisième pari. Il s'agissait de charger la Columbiade et d'y introduire les 400 000 livres de fulmicoton. J'avais pensé que cette masse éminemment explosive s'enflammerait d'elle-même sous la pression du projectile. Le 28 novembre, les 800 gargousses furent disposées au fond de la Columbiade. Cette partie de l'opération avait réussi. Barbicane défendait comme un chien l'entrée de Stone's Hill. Mais chaque jour, des curieux escaladaient les palissades, quelques-uns venant fumer au milieu des balles de fumée coton. Barbicane se mettait dans des fureurs quotidiennes et J.T. Maston faisait la chasse aux intrus. Tâche impossible, car plus de 300 000 personnes se pressaient autour des palissades. Michel Ardan offrit ses services pour escorter les caissons, mais sans éteindre son énorme cigare. L'énorme projectile fut amené au sommet de Stone's Hill. Là, des grues puissantes le saisirent et le tinrent suspendu au-dessus du puits de métal. Ce fut un moment palpitant, que les chaînes vinssent à casser sous ce poids énorme et la chute d'une pareille masse eut instantanément déterminé l'inflammation du fulmicoton. Il n'en fut rien. Et quelques heures après, le wagon projectile, descendu doucement dans l'âme du canon, reposait sur son édredon de pyroxyle. Sa pression n'eut d'autre effet que de bourrer plus fortement la charge de la Columbiade. J'ai perdu mon troisième pari, Barbicane. Et j'en suis bien heureux. Je lui ai remis la somme convenue de $3,000. Non, Nicole, gardez ça. Mais Barbicane ne voulut en aucun cas recevoir cet argent. À moins qu'il ne se présente sous la forme de mon bulletin d'inscription au Gun Club. Le premier jour de décembre était arrivé. Jour fatidique, répétait Barbicane. Car si le départ du projectile ne s'effectuait pas le soir même, à 10h46 et 40 secondes du soir, plus de 18 ans s'écouleraient avant que la Lune se représentât dans ces mêmes conditions simultanées de zénith et de périgée. Le temps était magnifique. Malgré les approches de l'hiver, le soleil resplendissait et baignait de sa radieuse effluve cette planète Terre que nous allions quitter pour un nouveau monde. Que de gens dormirent mal. Pour ma part, j'avais dormi comme un bébé avant de m'affairer. Mais rien de plus qu'à l'ordinaire. Une foule innombrable couvrait les prairies qui s'étendent à perte de vue autour de Stones Hill. Suivant les relevés du Tampa Town Observer, pendant cette journée, 5 millions de spectateurs foulèrent du pied le sol de la Floride. Depuis un mois, la plus grande partie de cette foule bivouaquait autour de l'enceinte, buvant du reginglard, du torboyau ou de la limonade, se délectant de rôtis de rats musqués et de ragoûts d'alligator. Sans le savoir et sans me connaître, ce melting pot jetait les fondements d'une ville qui s'est appelée depuis Ardonstown. Des baraquements, des saloons, des cahutes, des tentes hérissaient la plaine, et ces habitations éphémères abritaient un grouillement de populations de langues et d'origines diverses, affichant une même confiance en l'avenir. Mais ce jour, personne n'était plus sûr de rien. Une agitation sourde, sans clameur, courait parmi cette foule anxieuse. Un indescriptible malaise régnait dans les esprits, une torpeur pénible. La catastrophe semblait inéluctable. Chacun aurait voulu que ce fût fini. Enfin, vers 7 heures, ce lourd silence se dissipa brusquement. La lune se levait sur l'horizon. Plusieurs millions de hurrahs saluèrent son apparition. Les clameurs montèrent jusqu'au ciel. Les applaudissements éclatèrent de toutes parts. Elle était exacte au rendez-vous et blonde. Elle brillait paisiblement dans un ciel admirable et caressait cette foule enivrée de ses rayons les plus affectueux. Barbicane vint me chercher. C'était l'heure. Nous avons rejoint Nicole, qui présentait les membres du Gun Club aux députations des observatoires européens. 10 heures sonnèrent. Le moment était venu de prendre place dans le projectile. La manœuvre nécessaire pour y descendre, la plaque de fermeture à visser, le dégagement des grues et des échafaudages penchés sur la gueule de la Columbiade exigeait un certain temps. Barbicane avait réglé son chronomètre à 1/10 de seconde près sur celui de l'ingénieur Murchison chargé de mettre le feu aux poudres. Le moment des adieux était arrivé. J.T. Maston avait retrouvé sous ses paupières une vieille larme qu'il réservait sans doute pour cette occasion. Il la versa sur le front de son bien-aimé président. Quelques instants plus tard, les 3 voyageurs de l'espace étaient installés dans le projectile. Barbicane, Nicole et Michel Ardan étaient définitivement murés dans leur wagon de métal. La Lune parcourait la constellation des Gémeaux et se trouvait presque à mi-chemin de l'horizon et du zénith. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine se produisit. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol. La terre se souleva, et sans doute peu de spectateurs osèrent garder les yeux tournés vers la fusée, fendant l'air au milieu des vapeurs flamboyantes. Cet épanouissement de flammes éclaira la Floride entière, et le jour se substitua à la nuit. Cet immense panache de feu fut aperçu de 100 000 en mer, sur le golfe du Mexique comme sur l'Atlantique, et plus d'un capitaine de navire nota sur son livre de bord l'apparition d'un météore gigantesque. La détonation de la Columbiade fut accompagnée d'un tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusque dans ses entrailles, et un cyclone artificiel passa comme une trombe au milieu des airs. Pas un spectateur n'était resté debout. Tous furent couchés comme des épis sous l'orage. Il y eut un grand nombre de blessés graves. Moi-même, j'ai été projeté en arrière, au-dessus des têtes. 300 000 personnes demeurèrent momentanément sourdes et comme frappées de stupeur. Le courant atmosphérique, après avoir culbuté les cabanes, déraciné les arbres, chassé les trains, fondit sur Tampa comme une avalanche et détruisit une centaine de maisons, dont l'église Sainte-Marie et le nouvel édifice de la Bourse. Le premier instant du tumulte passé, les blessés, les sourds, les groggies, la foule entière se réveilla, et plusieurs millions d'hommes, un peu titubants, le nez en l'air, armés de télescopes, de lunettes, de lorgnettes, interrogèrent l'espace, oubliant leurs contusions et leurs émotions pour ne se préoccuper que du projectile. Mais on ne pouvait plus l'apercevoir. Et il fallut se résoudre à attendre les télégrammes de Longspeak. Le directeur de l'observatoire de Cambridge se trouvait à son poste dans les montagnes rocheuses, et c'était à lui que les observations avaient été confiées. Mais un phénomène inattendu vint bientôt mettre l'impatience publique à une rude épreuve. Le temps changea. Pouvait-il en être autrement, après le terrible déplacement des couches atmosphériques? Tout l'ordre naturel avait été troublé. Le lendemain, le soleil se leva sur un horizon chargé de nuages épais, lourd et impénétrable rideau jeté entre le ciel et la terre, et qui s'étendit jusqu'aux régions des montagnes rocheuses. Pendant cette première journée, chacun chercha à pénétrer le voile opaque des nuages. Mais chacun en fut pour ses peines, et chacun d'ailleurs se trompait en portant ses regards vers le ciel. Car par suite du mouvement du globe, le projectile filait par la ligne des antipodes. Quoi qu'il en soit, lorsque la nuit impénétrable et profonde vint envelopper la Terre, quand la Lune fut remontée sur l'horizon, il fut impossible de l'apercevoir. On eût dit qu'elle se dérobait à dessein au regard des sacrilèges qui avaient tiré sur elle. Si l'expérience avait réussi, les voyageurs partis le 1er décembre à 10h46 et 40 secondes du soir arriveraient le 4 à minuit. Donc, jusqu'à cette date, et comme il eût été bien difficile d'observer dans ces conditions un corps aussi petit que l'obus, on prit son mal en patience. Le 8, rien. Le 9, le soleil reparut un instant, comme pour narguer les Américains. Le 10, pas de changement. J'eus l'impression de devenir fou, et mes amis du Gun Club prirent peur pour mon cerveau, qu'on croyait préservé dans sa boîte crânienne en gutta-percha. Mais le 11, une de ces épouvantables tempêtes des régions intertropicales se déchaîna dans l'atmosphère. De grands vents d'est balayèrent les nuages amoncelés depuis longtemps, et le soir, on vit le disque de la Lune passer majestueusement au milieu des limpides constellations du ciel. La palpitante nouvelle éclata comme un coup de foudre dans les États de l'Union, et de là, elle courut sur tous les fils télégraphiques du globe. Le projectile avait été aperçu grâce au gigantesque réflecteur de Longspeak. Voici la note rédigée par le directeur de l'Observatoire de Cambridge. Elle renferme la conclusion scientifique de cette grande expérience du Gun Club. Longspeak, 12 décembre. À messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge. Le projectile lancé par la Columbia de Stones Hill a été aperçu par messieurs Belfast et J.T. Maston le 12 décembre, à 8h47 du soir, la Lune étant entrée dans son dernier quartier. Ce projectile n'est pas arrivé à son but, mais il a passé assez près pour être retenu par l'attraction lunaire. Là, son mouvement rectiligne s'est changé en un mouvement circulaire, et il a été entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Lune, dont il est devenu le satellite. Les éléments de ce nouvel astre n'ont pas encore pu être déterminés. On ne connaît ni sa vitesse de translation, ni sa vitesse de rotation. La distance qui le sépare de la surface de la Lune peut être évaluée à 2833 milles environ, 4500 lieues. Maintenant, deux hypothèses peuvent se produire et amener une modification dans l'état des choses. Ou l'attraction de la Lune finira par l'emporter, et les voyageurs atteindront le but de leur voyage, ou, maintenu dans un ordre immutable, le projectile gravitera autour du disque lunaire jusqu'à la fin des siècles. C'est ce que les observations apprendront un jour. Mais jusqu'ici, la tentative du Gun Club n'a eu d'autre résultat que de doter d'un nouvel astre notre système solaire. J.M. Belfast.

See you.